L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La masse de l'antiproton vient d'être mesurée avec une précision accrue grâce à la production d'un atome d'hélium très particulier, un atome antiprotonique, où un antiproton remplace un électron. L'expérience Asakusa, Atomic Spectroscopy and Collisions Using Slow Antiprotons, au CERN, est fondée sur la mesure du spectre d'atomes d'hélium antiprotonique refroidi à 1,5 Kelvin. De telles mesures permettent de comparer d'une manière unique la masse d'une antiparticule par rapport à celle de sa compagne miroir. Les chercheurs japonais, qui publient leurs résultats dans la revue Science, ont pour cela produit près de 2 milliards d'atomes d'hélium antiprotonique, soit 17 femtogrammes. Le CERN dispose d'une installation unique au monde pour produire des antiprotons, le Antiproton Decelerator, qui délivre des faisceaux d'antiprotons de faible énergie pour différentes expériences. Plusieurs d'entre elles conservent les antiprotons grâce à un jeu complexe de champs magnétiques. La technique de Asakusa est différente. Elle produit une matière hybride en mélangeant matière et antimatière. Les atomes d'hélium ainsi formés sont composés d'un noyau comportant deux protons et deux neutrons et d'un cortège constitué d'un électron et d'un antiproton qui a pris la place du deuxième électron normalement rencontré. Dans ce mélange gazeux à basse température, environ 3% des antiprotons remplacent un des deux électrons des atomes d'hélium. Ces antiprotons sont chargés négativement et se retrouvent en orbite autour du noyau, protégés par les électrons voisins, ce qui rend l'édifice suffisamment stable pour faire des mesures précises, au moins pour quelques centaines de microsecondes. Les physiciens envoient alors un faisceau laser sur leur hélium antiprotonique en faisant varier sa fréquence jusqu'à ce qu'ils arrivent à la fréquence à laquelle les antiprotons font un saut quantique au sein de l'atome hybride. Cette fréquence permet ensuite de calculer la masse relative de l'antiproton par rapport à celle d'un électron. La collaboration Asakusa avait déjà utilisé cette méthode dans le passé, mais travaillait alors à température ambiante, ce qui induisait une importante source d'incertitude à cause du mouvement microscopique des atomes d'hélium produit par l'agitation thermique. Mais cette fois-ci, les chercheurs sont parvenus à refroidir à très basse température leur gaz d'hélium hybride et peuvent ainsi atteindre une précision inédite, améliorée d'un facteur 10. D'après la théorie standard, les protons et les antiprotons doivent avoir exactement la même masse, au moins en valeur absolue. Et les physiciens de Asakusa ne trouvent effectivement pas de différence au niveau de précision qu'ils ont atteint. Mais pousser les limites de précision le plus loin possible pour cette comparaison est un test très important, notamment pour tester le principe de la symétrie fondamentale CPT. Une violation de la symétrie CPT, même infime, aurait une énorme conséquence sur notre conception de l'espace-temps. La collaboration Asakusa cherche maintenant à accroître encore sa précision en ajoutant un second faisceau laser d'excitation avant qu'une nouvelle expérience nommée Elena vienne prendre le relais pour faire un nouveau saut de performance dans quelques années. L'article de Masaki Hori et ses collaborateurs de la collaboration Asakusa s'intitule « Buffer gas cooling of antiprotonic helium to 1.5 to 1.7 kelvins and antiproton to electron mass ratio ». Il est paru dans Science, le volume 354, paru vendredi le 4 novembre 2016. Et le lien se trouve en bas de ce billet, comme toujours sur Ça se passe là-haut. Et oui, Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des antiparticules se contemple indéfiniment. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr et vous retrouvez cette émission également sur PodLoud et sur iTunes ainsi que sur Stitcher. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds ou bien sur terre. Allez, salut, à très bientôt.